Radiomatique. Transmission 425 d'Audiomatique s'ouvrait avec la pièce Yule Song du projet Thor Lundvall. Celle-ci apparaît sur l'album thématique Yule, proposant une série de compositions autour de l'hiver et de Noël. Et maintenant, c'est au tour du groupe allemand Mouse on Mars d'assurer la continuité à Audiomatique. Thank you. Thank you. Audiomatic, c'était le groupe anglais Underworld de qui on entendait la pièce Grace de son 8e album studio Barking, lancé en 2010. Précédemment à Underworld, il s'agissait de la formation allemande Mouse on Mars. Nous vous avons offert la pièce Introduce que l'on retrouve sur son album Ideology qui est paru en 2001. Allons-y maintenant avec l'orchestre de jazz mené par le percussionniste Doug Hammond et le claviériste David Dura. Al hombre, que piensa en la política y no responde. Que están muriendo niños a borbotones. Que olvide las banderas, piense en el hombre. Ese que hoy es tu amigo, mañana no será. Que confía en el lema que vos odiás, mientras que Biafra estaba muerta, muerta de sol y sin pan. Sus crías estaban blancas, blancas de peste mortal. Biafra estaba muerta, nadie allí quiso llegar. Que mueran, ¿a quién le puede importar? Ese que hoy es tu amigo mañana no será, porque confía en el lema que vos odias. Confía en el lema que vos odias. Mientras que Beatra estaba muerta, muerta de sol y sin paz. Sus crías estaban blancas, blancas de peste mortal. Beatra está desierta, tus tambores ya no están. Así cantaba tu gente mientras pudieron cantar. Ese que hoy es tu amigo mañana no será, porque confía en el lema que vos odias. Neya, neya, kumayanagata. Neya, neya, kumayanagata. Neya, neya, kumayanagata. We'll be right back. Audiomatic. Nous venons tout juste d'entendre la formation Can et sa pièce Oh Yeah, tirée de l'album Tago Mago, paru en 1971. Avant cela, c'était le groupe uruguayen Totem et sa pièce Biafra, paraissant sur son premier album homonyme, paru en 1971 aussi. Et pour amorcer la séquence, nous écoutions la musique de l'orchestre de jazz mené par Doug Hammond et David Dura et sa pièce For Real tirée de l'album Reflections in the Sea of Nurnen, publié en 1975. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le défunt groupe suisse Division Kent. Nous avions droit à Audiomatique à la formation allemande Kental, formée de membres des groupes Dine, Lacayenne, et Estampie, du sixième album de Kental, Translucida, sorti en 2008. Nous avons entendu la pièce titre. Tout juste avant, nous écoutions l'artiste danois Trent Müller. Nous entendions la pièce « When the Sun Explodes » que l'on retrouve sur son plus récent album « Memoria » paru en février 2022. Et pour débuter ce bloc musical, c'était le groupe suisse Division Kent et la chanson « Rooftop Rally » extraite de son deuxième et dernier album « Gravity » lancé en 2007. Mentionnons au passage que la chanteuse de Division Kent, Andrea Bloiler, est décédé en 2010 d'un cancer. C'est sur la musique de l'artiste Martin Van Rossum qui compose en fait sous le pseudonyme de Martin Non-Static que se terminera cette transmission 425 d'Audiomatique. La pièce que nous allons écouter, intitulée Distance C, apparaît sur son plus récent album Tree Line, paru en 2020.